Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à RGM. Pour l'émission, la parole est à vous. Avec ce soir, un dossier tripalium, c'est-à-dire faire un peu le tour du monde du travail, des gens qui souffrent de par le monde. Alors, on va commencer par la France. Alors, j'ai découvert quand même un chiffre qui laisse songeur. Il y a 375. C'est le nombre d'enfants placés en centre de rétention en France. Vous savez ce que c'est que les centres de rétention? Mais ça existe en 2017. Encore pour les enfants? Oui. C'est des lieux de rétention, d'emprisonnement en quelque sorte, à des camps d'emprisonnement pour les migrants. Donc il y a 375 en France, et pourtant la France a signé la Déclaration des droits de l'enfant. Mais pourquoi ils ne vont pas dans des familles d'accueil? Alors attends, je te donne tous les chiffres avant qu'on passe vraiment, qu'on donne notre avis. Soit presque autant. 375, c'est presque autant que durant les années 2012, 2013, 2014 et 2015 additionnés. La place d'un enfant n'est pas dans un lieu d'enfermement. Le 7 mars dernier, le défenseur des droits a écrit au Premier ministre afin d'alerter une nouvelle fois sur cette situation inacceptable. Depuis le 1er janvier 2018, une quarantaine d'enfants, parfois des nourrissons, ont été enfermés dans des centres de rétention en France métropolitaine. Ça se passe en France. Des nourrissons, ils ont fait quoi? Sans compter ceux qui sont retenus à Mayotte. Mi-février, la présidente du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, Renate Winter, a exhorté les États membres de l'Union européenne à mettre fin à la détention des enfants migrants, même en dernier cours. Un appel que la France ne semble pas avoir entendu. De toute façon, on a pourtant signé des conventions internationales, celle des droits de l'enfant. Ben voilà, on est sous Macron. Des, et malheureusement, des nourrissons, voilà. Qu'est-ce qui se retrouve en foyer Non, c'est des centres de rétention. Des centres de rétention, ils n'ont rien fait, ces nourrissons, ils ont deux ans. Mais non, ils n'ont rien fait. Simplement parce que les parents sont migrants. Voilà, simplement. Simplement, ils n'ont pas droit à une vie d'enfant parce qu'ils sont issus de l'immigration. Alors, est-ce que je peux parler de quelque chose? Oui. J'ai un peu peur d'être à côté de la plaque, mais il y a des associations comme France Parrainage, des associations comme ça. Ça, c'est pas des orphelins. Hein. Non. Mais c'est justement, ils sont pas là pour remplacer les parents. C'est pas forcément des orphelins. Ils sont pas là pour remplacer les parents. Ils sont là pour venir en aide, accompagner dans la scolarité ou emmener en vacances ou payer des cinémas. Enfin, il me semble que c'est une alternative qui existe depuis quelques années. Après, je ne sais pas trop comment ça marche avec les foyers, les relations qu'ils ont entre eux. Non, mais de toute façon, les enfants n'ont pas à être séparés de leurs parents, déjà, première chose. Et deuxième chose, les droits de l'enfant prévoient qu'ils ne peuvent pas être comme ça dans des lieux d'enfermement. Ben, hein, c'est pas vraiment une prison, mais c'est quand même des lieux d'enfermement. Voilà. Et ils vont à l'école ou ils ont de l'éducation quand même dans ces centres. Alors ça, c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est pas du tout évident. Évident, je sais pas comment que ça marche, mais la plupart du temps, ils n'ont même pas, avoir une scolarité ni quoi que ce soit, puisque de toute façon, ils sont pas intégrés. Ils sont bien dans des lieux d'enfermement. Mm-hmm. Alors peut-être quelquefois, les parents sont en mesure de leur donner un minimum de connaissances. Hein, mais oui. Malheureusement, oui, c'est une véritable catastrophe humanitaire par rapport. Hein, il ne faut surtout pas quand même dire la France est le pays des droits de l'homme et des droits de l'enfant. Hein. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, sous Macron, c'est encore pire que sous Sarkozy ou sous Hollande, hein, de ce côté-là. Il y a quand même des choses qui bougent en France, hein, puisqu'on parle de renforcer l'emploi des personnes handicapées. Est-ce que c'est un vœu pieux ou pas? On verra bien. Une nouvelle politique pour l'emploi des personnes handicapées va-t-elle voir le jour? Telle est la volonté politique du gouvernement, qui a lancé mi-février une concertation avec les partenaires sociaux. Objectif: augmenter le taux d'emploi des personnes handicapées. Malgré l'obligation d'emploi de 6%, le taux de chômage des travailleurs handicapés est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Alors quand on parle de 6%, attention, hein, c'est des entreprises de plus de 20 salariés. Mmh. En dessous, il n'y a pas d'obligation d'emploi. Et si des entreprises de moins de 20 salariés font des efforts, par exemple, pour embaucher des handicapés. Pour embaucher, ils n'ont pas d'avantages sociaux. C'est-à-dire que ceux qui ont plus de 20 salariés vont ne pas subir des pénalités. Et il y en a qui préfèrent donner des pénalités et ne pas embaucher. Ah, mais bien sûr. Bien sûr, c'est archi connu. C'est complètement illogique. Bah, c'est surtout asocial, on pourrait dire, antisocial. Oui, oui. Simplifier les modalités de déclaration d'emploi des travailleurs handicapés. Et enfin, revoir le système de financement, dont l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées est aujourd'hui la clé de voûte. Malheureusement, ce fonds, la GFIP, il a subi des ponctions, y compris pour les caisses de sécurité sociale. Et aujourd'hui, on finance de moins en moins les formations, par exemple, des personnes handicapées. Hein, et puis l'aménagement des postes de travail aussi. Hein. Voilà, je peux le dire par expérience, puisque dans une certaine structure, on n'employait que des personnes handicapées. Et malheureusement, on voyait les crédits fondre d'année en année, il y avait de moins en moins de possibilités financières. Voilà, aujourd'hui la clé de voûte, donc c'est bien cette association pour la GFIP, quoi, hein, pour ceux qui connaissent, l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Voilà, les pistes de réforme en cours devraient être introduites dans les futurs projets de loi Liberté de choisir son avenir professionnel et pacte attendu à la mi-avril au Conseil des ministres. Ça devrait être bientôt. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Conseil des ministres... les parlementaires ont d'autres soucis à gérer. Alors, on va s'éloigner un petit peu. On va partir... on est toujours en France, hein, mais à Mayotte. À Mayotte, qui est un département français d'outre-mer. Alors, la contestation sociale qui paralyse l'île depuis le 20 février pourrait se durcir dans les prochains jours, faute d'accord. Là, on était début avril. Hein. Les engagements pris par le ministre des Outre-mer sur la sécurité et la lutte contre l'immigration clandestine sont jugés insuffisants. L'intersyndicale et le collectif des citoyens, à l'origine de la mobilisation, demandent en effet à l'État de s'engager, en plus des mesures d'urgence et régaliennes, sur les mesures de développement et de rattrapage. Le mouvement, parti de l'exaspération de la population contre l'insécurité qui règne sur l'île, s'est depuis étendu à des revendications pour le développement économique et social du territoire. C'est dans ce climat politique tendu que se tenait le 18 mars dernier le premier tour de l'élection législative partielle, visant à pourvoir le siège laissé vacant par l'invalidation du scrutin de juin 2017. Voilà ce qu'on peut dire déjà dans le premier jet pour la France. Ah oui, en France aussi, dans les EHPAD, les établissements d'hébergement des personnes âgées et dépendantes, la colère ne faiblit pas. On s'en aperçoit, on a vu les gens descendre dans les rues, à Épinal, ailleurs, faire grève, même dans les EHPAD, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'effectifs, il y a de moins en moins de moyens, et les personnels commencent à n'avoir plus qu'assez des conditions de travail qu'ils subissent. Puis les personnes âgées aussi, les parents, les enfants des personnes âgées également. Voilà, 6 semaines après la mobilisation du 31 janvier, les salariés des EHPAD et de l'aide à domicile étaient de nouveau en grève le 15 mars dernier. Les débrayages, mais aussi de grands rassemblements, ont essaimé sur tout le territoire dans un mouvement unitaire, inédit, associant salariés, familles, médecins et directeurs d'établissements. Cette journée d'action intervient au lendemain de la remise d'un rapport parlementaire préconisant une série de mesures immédiates pour répondre à la crise profonde que vivent actuellement les établissements. Doubler le nombre de soignants dans les EHPAD d'ici à 2022, baisser les coûts et le reste à charge pour les résidents, mais aussi réinventer le financement et la gouvernance de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Des préconisations connexes à ce que réclament depuis 5 mois les professionnels du secteur. L'augmentation urgente des effectifs avec l'application du ratio d'un salarié pour un résident est en effet au cœur des propriétés. Alors, de l'intersyndical, hein, c'est tous syndicats confondus, CFDT, CFECGC, CFTC, CGT, FA, FP, FO, Sud, FSU et UFSA, j'arrive à le dire, hein, donc tous les syndicats sont dans l'action. Mais elle n'est pas la seule revendication des professionnels du secteur qui dénonce la maltraitance institutionnelle due au manque de moyens financiers et humains, accentuée par la réforme du financement des EHPAD, dont ils demandent l'abrogation. Début mars, le ministre des Solidarités et de la Santé s'est engagé à neutraliser les effets négatifs de cette réforme, synonyme de perte de recettes pour 20 à 25% des établissements. Des réponses jugées largement insuffisantes par l'intersyndicale, la mobilisation du 15 mars a depuis permis à une délégation intersyndicale d'être sous ministère. Pour Ève Rescanière, la secrétaire générale de la CFDT Santé Sociaux, si le ministre ne semble désormais plus être dans le déni de la réalité, on est encore loin d'avoir obtenu des mesures concrètes. Voilà. En sachant bien que c'est valable pour tout l'hôpital, hein, quand on entend Macron déblatérer en disant que l'hôpital n'aura pas moins de moyens demain qu'hier, à mon avis, c'est déformer la réalité, parce qu'on centralise de plus en plus, hein, on le voit entre Pinal et Miremont, donc les moyens forcément sont rassemblés, sont de plus en plus rassemblés sur des sites, et le service public en prend un sacré coup, et l'accès aux soins également. Hein, on le voit dans les Vosges, hein, pour la maternité en particulier de Remiremont, parce que si aujourd'hui la maternité de Remiremont n'est plus directement en danger de suppression, il n'empêche qu'il y a un plan pour la vider de son contenu, c'est-à-dire que ce ne soit plus une maternité de plein exercice, et pour faire disparaître la néonatalité et la pédiatrie de Remiremont. Mmh. On en est encore là aujourd'hui. Mmh. Hein. Mais c'est vrai que dans les EHPAD, c'est important de garder les EHPAD dans les vallées, parce que c'est encore un lien social pour les personnes âgées. C'est-à-dire qu'elles peuvent recevoir des visites de personnes de leur âge qu'elles connaissent. Si tout est centralisé... Et puis leurs enfants, s'ils sont à proximité, voilà, etc. Si tout est centralisé, par exemple, à Nancy, il n'y a plus de lien social. Parce que... Là, je crois que ce n'est pas une centralisation des EHPAD qui risque, c'est pas le risque de centralisation des EHPAD qu'on a le manque de personnel dans les EHPAD parce que bien sûr on va pas avec les besoins qu'il y a aujourd'hui pour les personnes âgées, surtout les personnes âgées dépendantes, on va pas fermer Bussan et puis transférer au Tilleul ou vice versa, hein, les établissements vont rester dans ce domaine là hein, c'est plutôt dans le domaine le domaine sanitaire proprement dit, qu'on risque de voir de gigantesques regroupements, avec ce que ça signifie comme compression de personnel, comme moyen centralisé, au détriment de l'accès aux soins et de la proximité. Voilà, mais les EHPAD, ça pose quand même un sacré problème. Hein. On est vraiment en France en dessous de tout par rapport à l'aide aux personnes âgées, en sachant bien qu'on a aussi l'originalité, que ce soit que c'est la famille qui paye en cas d'hospitalisation d'une personne âgée si ses revenus propres ne suffisent pas. On fait participer forcément les enfants. Et les biens, bien sûr, de la personne âgée, évidemment. Voilà, je crois que... Il n'y a pas un moment où l'État paye, parce que si la personne âgée se retrouve seule... Non, c'est les départements. Ah, c'est les départements. C'est les départements. L'aide sociale aux personnes âgées a été attribuée aux départements. Peut-être demain que ce sera les régions, hein, par les lois de décentralisation des années 80. Donc aujourd'hui, c'est le département qui s'occupe de tout ce qui est aide sociale aux personnes âgées. Mmh. Alors le département, bien sûr, comme je le disais à l'instant, récupère sur la famille, bien sûr déjà sur les biens de la personne. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être encore pas au niveau des États-Unis où, pour rentrer dans des établissements, les personnes âgées sont obligées d'abandonner tous leurs biens. Hein, si elles sont pas, si elles n'ont pas une fortune personnelle, elles sont obligées de vendre tous leurs biens pour pouvoir entrer dans les personnes. Mais on en est quand même au fait que les départements saisissent les biens des personnes pour se payer, quoi, en somme. Et puis après, retombe sur la famille, les enfants en particulier, s'ils ont quelques moyens pour les faire payer, l'insuffisance de revenus des parents. Voilà. Alors on va faire un tour en Italie, si vous voulez bien. Oui, je veux bien. Parce que là, il y avait des commentaires que je partage pas tout à fait, mais qui valent la peine quand même d'être cités sur les élections en Italie, les commentaires après élection, bien entendu. Il y a beaucoup qui disent les populistes ont trouvé un écho chez les Italiens désemparés. Pour Giuseppe Giuliano, directeur du département international de la CISL italienne, c'est-à-dire la Confédération internationale des syndicats libres italiens, les élections législatives de mars plongent l'Italie dans une période d'incertitude. Alors, une question qui est posée à ce Giuseppe Giuliano, les législatives ont fait la part belle aux partis populistes et d'extrême droite, dont les campagnes ont été menées sur fond de discours anti-immigrants et de rejet des partis traditionnels. Êtes-vous surpris de ce résultat ? Alors, c'est bien un syndicaliste italien qui est interrogé, un responsable syndical italien qui est interrogé. Non, tous les sondages pointait ce risque de voir l'Italie rejeter les partis traditionnels et s'inscrire dans la lignée du Brexit. La victoire de Donald Trump aux États-Unis et de la poussée de l'extrême droite ailleurs en Europe. Le souverainisme, la défense des frontières et la promesse d'un changement radical des politiques en place, prônées par les coalitions populistes et d'extrême droite, respectivement 32 et 37% des voix, ont trouvé un écho auprès d'une société italienne quelque peu désemparé. C'est notamment vrai dans le sud du pays, où la pauvreté et le taux de chômage des jeunes atteignent bien sûr des sommets. On savait déjà en Italie qu'entre le nord et le sud, il y avait un clivage profond. Hein. Ouais. Le nord qui est industriel, qui finalement prospère encore malgré la crise. Ouais. Et puis le sud qui était vraiment très pauvre. Hein, mais la Ligue du Nord, par exemple, avait par un temps dire ben nous du Nord, on ne va pas partager nos richesses avec le Sud. Oui, il y a eu un moment. Et aujourd'hui, c'est tous les partis populistes qui sont issus aussi de la Ligue du Nord, qui vont dire il faut pas faire confiance aux partis politiques. Et puis nous, dans le Sud, on est pauvres. C'est à cause des migrants, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de nos élus. Alors, ont-ils tort ou pas à tort, ça c'est une autre paire de manches, j'allais dire. Je crois que j'ai pas tout bien compris, mais finalement la Ligue du Nord, ils ont accepté de partager avec le Sud ou pas, parce que c'est vrai, je me souviens de ça. Il y a toujours eu un décalage entre le Nord, et le Sud de l'Italie. Hein, le Nord, disais, prospère, industriel. Et puis le Sud, forcément, qui était rural, qui était agricole, qui était touristique, mais qui avait du mal, bien sûr, de s'en sortir. D'ailleurs, l'Italie, si on s'en souvient bien, était une forte région d'émigration, vers la France, bien sûr, vers certains pays d'Europe, mais surtout vers les États-Unis. À une certaine période, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'Italiens, surtout du Sud, Calabre en particulier, qui émigraient pour fuir la pauvreté dans leur pays. Voilà donc que dire. Bien sûr, les partis populistes font leur lit sur la misère, et puis en cultivant le mensonge, souvent en cultivant la division. Mais il y a aussi une responsabilité, c'est sûr, des gouvernants qui favorisent les inégalités, qui favorisent la spéculation, au détriment, par exemple, des droits, des droits des populations et des travailleurs en particulier. Alors, une autre question qui était posée à Giuseppe Giuliano, Les politiques menées ces dernières années par Matteo Renzi, avec la réforme du marché du travail, le Job Act, ont-elles changé la donne ? Eh bien, voilà, justement, on est comme en France. Hein, la France, Macron a adopté cette politique ultralibérale européenne de manière à diminuer les droits des travailleurs. Et ils récoltent en Italie, ben, évidemment, ce qu'ils ont semé. Alors, qu'accepte Giuliano de répondre ? Dans un sens, oui. Avec le Job Act, nous avons assisté à une hausse des créations d'emplois et une baisse du chômage. Mais à quel prix pour les Italiens ? Une flexibilité accrue, voire pour certains d'entre eux, une profonde insécurité due au licenciement facilité et la mise en place d'un CDI à protection croissante. Alors, vous voyez bien qu'en Europe, Macron, partout en Europe, on adopte les mêmes choses, c'est-à-dire de plus en plus de précarité d'emploi, de moins en moins de droits de statut pour les travailleurs. Hein. Aujourd'hui, en France, on voit qu'on s'attaque au statut des cheminots, demain, ce sera le statut des fonctionnaires, après-demain, ce sera les retraités, c'est déjà un peu fait. Aujourd'hui, on s'aperçoit que vraiment, toutes les populations dites, certains disaient, laborieuses, subissent des conditions de plus en plus difficiles, hein, avec des droits de moins en moins importants. Et forcément, ces gens-là s'élèvent contre l'Europe, croyant que c'est l'Europe qui est responsable. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai au niveau d'une Europe qui refuse de voir véritablement autre chose qu'un ultralibéralisme, hein, pour développer l'économique au détriment des travailleurs, mais aussi une Europe qui serait assez indispensable justement pour éviter une concurrence entre les peuples d'Europe. Hein, parce que le nationalisme ne résout pas non plus le nationalisme pur et dur ne résout pas non plus les problèmes. Tu veux dire quelque chose ? Ben non, je suis d'accord. Voilà, donc on était jusqu'à maintenant. Bah oui, ça ressemble exactement à ce qui se passe en France. C'est calqué partout en Europe. C'est-à-dire, c'est le pouvoir économique aujourd'hui qui dicte sa loi. Et c'est la grande revanche des patrons sur les salariés. Ça, c'est clair. Même en Angleterre, c'est comme ça. Oh, en Angleterre, c'est bien pire. En Angleterre, on est vraiment avec le gouvernement ultra-conservateur. Il ne faut pas oublier qu'on a créé un CDI à géométrie variable, c'est-à-dire de 0 à 44 heures ou 42 heures. Ou 48 heures, je ne sais plus trop, hein, ça peut aller jusqu'à 48 heures. C'est-à-dire que les gens, ben, ils ont un CDI, ils ont un emploi, mais on leur donne du boulot quand on veut bien leur donner du boulot. Avec une misère, bien sûr, qui monte, et c'est souvent les structures locales, hein, les élus locaux, qui sont obligés de pallier à la misère épouvantable qu'il y a en Angleterre. Alors Michel, moi je pense quel pays serait un peu notre modèle Aujourd'hui, on assiste à un recul des droits sociaux à peu près partout, dans les pays du Nord. Peut-être on pourrait dire la Finlande, même la Suède a reculé. On pourrait parler de la Finlande puisqu'il y a un mini social qui a été institué, enfin, il était à titre expérimental, mais partout on voit la misère grandir en Europe. Hein. La France n'est pas épargnée, puisqu'il y a près de 15% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. En Allemagne, il y en a encore un peu plus, malgré la prospérité économique. Ça prouve quand même. Et puis les inégalités augmentent à la vitesse grand V, quoi. Donc ça prouve bien que cette politique économique qui est développée aujourd'hui profite à des classes sociales déjà. Qui ont déjà des moyens énormes, hein, et puis appauvrissent bien sûr les plus pauvres ou les moyens. Oui, donc finalement, il n'y a pas beaucoup de pays modèles en Europe. Non, en sachant quand même qu'il y a quand même une différence entre les pays du Nord et les pays du Sud. Hein, c'est-à-dire que dans les pays du Nord, il y avait quand même des avancées sociales qui étaient assez importantes et qui sont en partie préservées aujourd'hui. On peut dire, mais là, je crois que la grande victoire du capitalisme aujourd'hui, européen, c'est d'avoir fait complètement plier les gouvernements à leur business. Hein, et c'est-à-dire avoir fait pression à la fois sur les conditions de travail, le social en général, et puis bien sûr même sur les salaires, hein, sur les revenus. sur les revenus, les salaires et les revenus de remplacement. Hein, puisque, de toute façon, maintenant, tout ce qui n'est pas revenu du travail est considéré comme des charges. Alors que, justement, les revenus créés, les richesses créées par le travail, étaient redistribuées, aussi bien aux retraités, etc. Là, on assiste à l'effet inverse, puisque c'est les retraités qui vont distribuer une partie de leurs richesses aux actifs, hein, pour pouvoir augmenter légèrement leur pouvoir d'achat. Mmh. On est vraiment dans un monde renversé. Ouais. Voilà. Donc, malheureusement, dit Giuseppe Giuliano, malheureusement, ces politiques ont été menées sans concertation, le gouvernement Renzi refusant de voir le rôle central des corps intermédiaires pour réformer une économie complexe comme celle de l'Italie. Et si par la suite le dialogue a pu être restauré, permettant des avancées réelles, renouvellement de la convention collective du secteur public bloqué depuis 17 ans, une réforme du système de sécurité sociale, il est fort probable que les réformes Renzi aient fini par avoir un impact sur le choix des électeurs. Voilà, bon, on va peut-être continuer un tout petit peu sur l'Italie, donc que quid de la défaite de Renzi et l'échec du parti pro-européen. C'est vrai, reconnaît donc Giuseppe Giuliano, c'est vrai, et l'approche anti-européenne des partis arrivés en tête de cette élection nous inquiète profondément. De toutes les forces en présence en Italie, notre organisation, il parle bien sûr du syndicat italien, est sans doute la plus convaincue de la nécessaire construction des États-Unis d'Europe. Seul le renforcement de l'intégration européenne avec une autre politique économique plus forte et une politique budgétaire continentale pourra corriger les inégalités qui persistent et offrir des réponses aux besoins du développement de l'ensemble des pays européens. Ah, ouais. Un commentaire par rapport à ça, on voit que cette Europe sociale, ben, elle s'éloigne de plus en plus. Hein. Ces pouvoirs économiques, finalement, c'est les patrons aujourd'hui qui dictent ça la loi en Europe. Alors comment les travailleurs aujourd'hui peuvent faire encore confiance à leurs élus pro-européens, puisque de toute façon, ça leur amène que des points négatifs. Mais ça on pourrait espérer quand même une autre Europe. Ça me fait penser au film Le Guépard avec Claudia Cardinale et... Ah oui, c'est vieux ça. Et Alain Delon. Ah oui, parce qu'on est dans un milieu aristocratique. Oui, c'était déjà pas mal de... En Italie, il y a eu souvent des remous, mais quoi. Certains disent c'était agité. Hein. Certains disent aujourd'hui que, toute proportion gardée, les inégalités aujourd'hui sont plus fortes qu'avant la Révolution française. Ouais, ça devient quelque chose d'absolument gigantesque. Oui. Hein, et on voit que les riches en particulier s'emparent de tous les pouvoirs, hein, ou placent effectivement leur homme, leur femme à la tête de structures qui les favorise, y compris les médias d'ailleurs. Ouais, mais bon, Michel, on meurt plus de la peste, on n'est plus dans la boue à Paris, nettoyer le linge dans la rue. Bah, tu sais, quand tu vois les bidonvilles qui se mettent en place partout, les gens la destruction par la police, c'est n'importe quoi. On peut dire quand même l'insalubrité de certains immeubles, on peut se dire quand même qu'on a beaucoup reculé dans certains domaines pour une certaine population. C'est-à-dire que les plus précaires aujourd'hui ressemblent effectivement aux précaires d'hier avec toutes les mauvaises conditions, y compris d'hygiène, qui existaient par exemple dans le début des années 60 dans les bidonvilles. Mais je ne sais pas si je peux faire un petit témoignage. L'autre jour, j'étais dans un petit village où il y a des bouquinistes et des paysans. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, il y a le bouquiniste qui m'a raconté, Michel, qu'en fait, il y avait un monsieur qui était venu et il lui dit « Mais vous voulez pas acheter un livre ?» Il lui propose d'acheter un livre. Et le monsieur lui dit « Non, mon maître ne voudra pas. » C'est-à-dire que là-bas, dans ce petit village où il y a quand même des bouquinistes pour redynamiser, c'est désert, il y a encore les, maîtres, les paysans maîtres et les serfs. Ça existe encore. Je crois quand même que si, là, Michel, il en a témoigné, ce monsieur. Tout de même, non. Hein. Mais c'est vrai aussi que les ouvriers agricoles, par exemple, sont absolument maltraités dans certaines exploitations agricoles. Ouais, je t'assure que là-haut, il y a bien la différence qui est faite. On a vu ça. On a vu ça. Hein, c'est-à-dire qu'on maintient dans un certain abaissement des populations. Hein, en particulier des célibataires qui sont vraiment attachés à la ferme, qui sont en quelque sorte, oui, la caricature un peu des cerfs d'autrefois, avec quand même des nuances. Voilà, je pense qu'on va continuer sur ce dossier Tripalium qui nous fait un peu traverser l'Europe, on va le voir, mais en sachant qu'on va s'accorder avant une pause musicale, bien entendu. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des milliards. Tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La monnaie tourne, conseil de guerre, et les palais sont tous sanglants. Oui mais, sabrant le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Et car à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui mais, sabrant le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Et car, à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Sans pas son travail et sans armes, nous allons être gouvernés des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui mais, sabrant le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Et car, à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne après cette, ce chant martial, j'allais dire, ouais, pour les, sur, les, sur, les, sur les valeurs travail. Voilà, alors, bon, on peut être rassuré, de temps en temps, Bruxelles quand même condamne les politiques fiscales agressives. Alors, qu'entend-on par ces politiques fiscales agressives ? Bruxelles opérerait, on peut en dire Bruxelles et non pas Bruxelles, il paraît, oui. Opérerait-elle un léger virage vers une Europe plus sociale ? C'est en tout cas ce que laisse penser la publication, le 7 mars dernier, du traditionnel paquet d'hiver, consacré à l'examen des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation de leurs priorités économiques et sociales. Pour la première fois, la Commission européenne, par la voix de sa, de son commissaire à la fiscalité, Pierre Moscovici, qui était un socialiste français, si il existe encore, du moins, pointe du doigt les pays européens qui compromettent l'équité dans le marché intérieur en favorisant la planification fiscale agressive des entreprises. Une position saluée par la Confédération européenne des syndicats, la CES, selon sa secrétaire générale adjointe Katja Leto Komulainen, je pense que ça se prononce comme ça, en exprimant des inquiétudes à propos des faibles augmentations salariales et en encourageant une meilleure protection sociale, il semblerait que l'UE prenne une orientation plus progressiste dans l'élaboration de ses politiques économiques. Elle reste cependant prudente, renvoyant au mois de mai la confirmation d'une préoccupation d'équité sociale, entre guillemets, de Bruxelles. C'est bien la première fois. Ouais. Ben, dans les recommandations spécifiques formulées pays par pays. Voilà, on va rester en Europe. On va parler des, de la Commission européenne et des travailleurs détachés. Il y a un compromis à confirmer. Droit du travail. Eurodéputés, États membres et Commission européenne parviendront-ils à un accord sur la révision de la directive qui encadre le travail détaché ? Le sujet est sensible à l'heure où la montée des populismes somme l'Europe de montrer patte sociale. Et il clive parmi les 28 États membres, la Bulgarie qui préside l'Union européenne, les six premiers mois de 2018 a donc décidé de prendre les choses en main. Avec les négociateurs du Parlement européen et la commissaire d'emploi, Marianne Thyssen, une approche commune, lourd entre guillemets, a été trouvé le 28 février dernier, qui doit encore être officiellement adopté. Le compromis limite la durée du travail détaché à 12 mois, plus 6 mois au maximum. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, pour les contrats, les CDD à l'étranger, les contrats de chantier. Au maximum, il affirme que les travailleurs détachés doivent bénéficier de la même rémunération pour le même travail, sur le même lieu de travail, que les travailleurs locaux. Ils bénéficieraient également des conventions collectives de chaque secteur et verraient leurs frais, hébergement, transport, remboursés. Gros bémol, en revanche, la régulation du travail détaché dans le secteur des transports est renvoyée à un futur texte. Eh bien oui, malheureusement, on sait que même des entreprises vosgiennes vont embaucher en Pologne, vont créer des succursales et vont embaucher en Pologne. Mais ça, c'est archi connu. Voilà, enfin, le compromis prévoit une transposition de la directive en droit national dans les 2 ans. Ce qui est quand même un progrès, hein, parce que comme chacun sait, le mécanisme, c'est quand il y a une directive européenne qui est élaborée, il y a une exigence vis-à-vis des États membres, les 27 et 28, on est encore entre 27 et 28 aujourd'hui, qui doivent mettre à jour leur législation pour remplir les conditions dictées par l'Europe, par ces directives. Voilà, soit 2020, si la révision est adoptée cette année. Les 28 États membres, la Commission et le Parlement sont donc attendus au rendez-vous de l'Europe sociale. Il y aura un petit bout d'Europe sociale, au moins par rapport aux travailleurs détachés, qui aurait le problème. Je ne sais pas ce qui résout non plus, ce qui résout tout. Alors la Grèce, où on en est à la Grèce? On n'en entend plus beaucoup parler. Hein. Je crois que l'actualité, la fin du plan D approche. Après l'Irlande en 2013 et le Portugal en 2014, la Grèce s'apprête à son tour à sortir du plan d'aide internationale du mois d'août. Début mars, les créanciers ont donné leur feu vert au versement d'une nouvelle et dernière tranche de 5,7 milliards d'euros dans les modalités, à savoir les réformes que le pays doit adopter. En contrepartie, sont actuellement négociées avec Athènes. Les discussions devraient aboutir d'ici à la rencontre annuelle des ministres des Finances des États membres de la zone euro, l'Eurogroupe, le 21 juin, soit deux mois avant que la Grèce ne retrouve son autonomie financière. Après 9 années de récession quasi ininterrompue, le pays renoue progressivement avec la croissance, plus 1,4 en 2017. Mais la dette publique, 180% du PIB, et les sacrifices consentis par la population hellénique fragiliseront encore durablement le pays. Ben forcément, à partir du moment que les gens ont moins de ressources, ils achètent moins, l'économie se développe moins. Hein, c'est-à-dire qu'on a fait la pire des choses avec la Grèce, c'est-à-dire leur mettre la tête dans l'eau et puis presser dessus. Quoi. C'est la fin du plan de... Du plan d'aide. C'est un plan d'aide, un crédit d'aide qui est donné, un plan d'aide qui était donné à la Grèce. C'est énorme quand même, 5,7 milliards d'euros. C'est rien du tout quand on pense par exemple qu'en France, le PR de Flamanville, qui ne marche toujours pas, est parti de 3 milliards d'euros aujourd'hui à 10 milliards. 10 milliards d'euros pour une EPR qui ne marchait toujours pas. C'est quoi une EPR, Michel ? Eh ben, c'est la fameuse centrale nucléaire de Flamanville, la nouvelle. Hein. Un dernier new look qui ne marchait toujours pas, il y a des fissures dans la cuve, il y a tout ce qu'on veut. Quoi. Bah, à la limite, mais on s'entête. À la limite, vaut mieux qu'elle ne marche pas. Bah, il vaut mieux qu'elle ne marche pas. Mais en attendant, de nous embêter. On dépense un pognon colossal pour essayer de la faire marcher. Oui, alors qu'elle ferait que du mal si elle marcherait. Quoi, de toute façon. Voilà, que dire encore. Ah ben, on va partir ailleurs, on va partir dans le continent africain. En Côte d'Ivoire, le premier syndicat de femmes est né. Eh oui, il y a un syndicat de femmes en Côte d'Ivoire. Ah, bien. Ben, c'est pas trop, hein, parce que quand on connaît les conditions des femmes africaines, je crois que là, on ne peut que saluer effectivement ce syndicalisme féminin. Lasse d'être relégué au second plan, des femmes cadres issus de 5 centrales syndicales ivoiriennes ont décidé de constituer un syndicat libre et indépendant pour les travailleuses. Créé début mars, le syndicat baptisé Réseau des femmes syndicalistes de Côte d'Ivoire revendique déjà 4000 adhérentes, issues de l'administration, du milieu agricole ou encore des secteurs informels. Elles veulent devenir des interlocutrices de premier plan dans le milieu syndical et porter leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics. Elles revendiquent, enfin, c'est ce que revendique, du moins, la présidente Mariatou. On croirait que ça doit être une peule, hein, avec un nom pareil, Mariatou. Guy Eao, première femme élue à la tête d'un syndicat africain. Le réseau souhaite développer la formation syndicale et offrir une couverture maladie aux femmes du secteur informel. Une priorité en Côte d'Ivoire, où cette forme d'économie occupe une place centrale. Voilà. On va faire un tour en Syrie. Bien sûr, en ce qui concerne le monde du travail, enfin le monde du syndicaliste international, déplore bien sûr le drame à ciel ouvert. Je crois que on va pas s'y attarder ce soir. On essaiera de consacrer une émission, peut-être avec Hassan, qui connaît bien la région, qui est kurde, qui ont été parmi les combattants contre. Les Kurdes ont été parmi les combattants contre Daesh et sont mal récompensés aujourd'hui de leur dévouement à la cause antiterroriste. Mais enfin, on y reviendra. On va y faire un tour aux États-Unis. Les barrières douanières en acier de Donald Trump, c'est connu. Mais que dit-on dans le monde syndical international par rapport à ça? Eh bien, que c'est du protectionnisme. En signant le 8 mars un décret imposant l'instauration de droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium entrant aux États-Unis, Donald Trump a-t-il déclenché une nouvelle guerre commerciale internationale? On sait quand et comment cela commence, mais on ne sait ni comment ni quand cela se termine. C'est pourquoi c'est rapidement inquiété le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo. L'Organisation mondiale du commerce, bien sûr, il y a à boire à manger dedans. Hein. Il y a même symboliquement des localités des Hauts-de-Vosges qui ont dit on ne veut pas faire partie de l'Organisation internationale de l'Organisation mondiale du commerce. C'est vrai que là, c'est la libre concurrence exacerbée. C'est aussi un monde un peu trouble, hein, où la finance va favoriser effectivement une forme de commerce international qui n'est pas forcément à l'avantage de tout le monde, hein, surtout pas des pays en voie de développement. Les conséquences des décisions américaines sont difficilement mesurables. Le préjudice pour l'Europe pourrait s'élever à 2,8 milliards d'euros, avec pour principale victime l'Allemagne. Dès le lendemain de cette annonce, Bruxelles a présenté sa stratégie de riposte, menaçant de taxer des importations de gin, beurre de cacahuète, jus d'orange et bourbon américain. Ailleurs, ce sont surtout la Corée du Sud, le Brésil et, dans une moindre mesure, la Chine, qui ont le plus à craindre du protectionnisme américain. Aux États-Unis, la décision de Trump, pour flatter son électorat, ne donnera pas non plus que des gagnants, selon les économistes. Alors que les sidérurgistes se frottent les mains, les constructeurs automobiles s'inquiètent d'une flambée des coûts de production. Voilà, ben, il y aura des heureux, il y en aura des moins heureux. Mmh. En attendant, Trump développe plutôt l'économie américaine dans ce protectionnisme. On voit par exemple, c'est des pays d'Europe aujourd'hui qui prêchent plus de protectionnisme qui se développent. Mais le gros problème, c'est l'organisation internationale du marché qui laisse à désirer, quoi. Mmh. Les égalités de chance ne sont pas les mêmes partout. Bon, on va peut-être accorder une dernière pause musicale avant de conclure ce dossier Tripalium qui vous est offert ce soir sur RGM. Vous voulez chanter, et ben qu'est-ce que maintenant? Il fallait qu'on s'y risque car c'est l'usine qui ouvre ses bras en criant. C'est donnant, donnant. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a fête. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non, non. Ainsi qu'on est parti sur les routes. Les kilomètres auraient mérité, tu t'en doutes. Le mot respect ou bonne donne un diplôme. Parce qu'on n'était pas dans un beau sous-marin jaune. Croyez-le, y'a pas eu de miracle. On n'a pas fait demi-tour au premier obstacle. On n'a pas fait demi-tour et pour cette place sous le déluge, on a roulé sans essuie-glace. On a caché ce qu'on avait de plus précieux. La cagoule et puis les bottes de sept lieux. On mouillait le maillot tout à la fois. Être trimard et saltimbanque, tu le crois? Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a faite. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas, y'a pas d'arrangement. L'autre jour j'ai même dit à Mousse, wow. Il faut leur dire plus de couscous. Moi en tout cas je peux plus rien avaler. Les cassoulets, les taboulets, tous les poulets, poulets. Je me souviens on était tellement pliés. On a envié deux secondes le monde ouvrier. Allez roulez si t'as plié dans le ventre. On vient, on met le feu et puis on rentre. La vie de bohème peut se résumer ainsi. Je me promène avec madame pharmacie. Camol, Doliprane et Sagidal sont les trois mamelles des tueurs de balles. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a fête. Y'a pas d'arrangement. d'arrangement, y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, y a pas non non, y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, y a pas non non non. Plutôt que de changer les fringues, qu'est-ce que t'en penses? On s'achète, je sais pas moi, une ambulance. On arrive du bonheur lorsque chantait la foule. Le petit, oh, sur des valises, c'était cool. Pas de cadeaux, pas de traîne et pas de fleurs. Si t'as mal au mollet, sèche tes pleurs. Y'a pas d'arrangement, c'est la formule. Sinon garde ta baignoire et va faire des bulles. Est-ce le spectacle et sa légende? Quand y'en a un qui tombe, l'autre en redemande. La tête cassée, le reste à la dérive. Sans petit tour, mais que les caches suivent. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a faite. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, con. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas, y'a pas d'arrangement, con. Voilà, avant de terminer ce dossier, on a fait, on peut pas dire qu'on ait fait un tour du monde, hein, on était un petit peu en Afrique, Italie. Aux États-Unis bien sûr, avec la politique Trump, hein, alors je sais pas comment qu'on peut apprécier exactement Macron aux côtés de Trump et puis de May, hein, pour aller faire des frappes en Syrie, mais enfin, on a l'impression véritablement de gros déviants qui veulent donner des leçons au monde pour, et puis en particulier aux dictateurs syriens, pour redorer leur blason, hein, qui est quand même mis à mal quand même, surtout du côté de Trump, hein. On dit de Trump aujourd'hui, enfin c'est le FBI qui dit que de toute façon il n'est pas mentalement capable de diriger un pays comme les États-Unis, certainement vrai, ouais, mais bon, ouais. Mais n'empêche qu'il a été mis en place par un certain business nationaliste et qu'il y reste. Il y reste par le mensonge, compromission et tout ça. C'est un malade mental. Voilà. Alors on va revenir en France. La répression des fraudes avec des missions mises à mal. Et les agents de la DGCCRF, je le cite souvent dans mon dossier consommateur, jouent un rôle essentiel dans la protection des consommateurs et la veille sanitaire. Mais une réforme incohérente et la baisse des moyens mettent leur mission en péril. Là. Voilà, alors il y a tout un article dans un canard syndical, et en particulier donc, qui pointe une réorganisation aux effets pervers. Menée dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, RGPP, qui était mise en œuvre pour Sarkozy et poursuivie par la suite, c'est-à-dire qu'on diminue les effectifs dans les services publics, et plus précisément de la réforme de l'administration territoriale de l'État, la réforme de 2010 a bouleversé les services de la DGCCRF. Les agents jusque-là organisés en réseau et directement rattachés au ministère de l'économie ont été répartis entre les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils font tout. Hein, c'est un secteur comme à Épinal, par exemple, il y a tout ça. Il y a le travail, l'emploi, l'inspection du travail, sont dans les mêmes locaux que la DGCCRF. Les effets pervers de la réforme ont été mis en évidence dans un rapport conjoint des inspections générales des finances et de l'administration qui pointe, je cite, des difficultés ressenties et exprimées, se traduisant par une baisse de l'activité entre 2010 et 2014, que la seule réduction des effectifs ne suffit pas à expliquer. C'est-à-dire que non seulement on a réduit les effectifs, mais on a encore désorganisé les services. Si bien qu'aujourd'hui, on est devant une certaine inefficacité, alors qu'avant, c'était des services qui étaient particulièrement donc organisés et pointus. Alors, que dire par rapport à cet article, hein, de dire les contrôles se raréfient, il y a moins de contrôles, les professionnels le savent et en profitent, la pression de contrôle ne fonctionne plus. Voilà, on en est là. À cette réorganisation s'ajoute la baisse des effectifs de 3800 agents avant la réforme de l'administration territoriale de l'État. La DGCCRF est passée à 2800. C'est quand même une diminution drastique. 2800 en 2017. C'est-à-dire qu'on a continué depuis Sarkozy. Et c'était combien avant ? 3800. 3800. On est passé à 2800 en 2017. Et la loi de finances de 2018 prévoit la suppression de 45 postes supplémentaires. Donc on diminue sans arrêt. La répartition des agents dans des entités distinctes a eu pour effet d'augmenter la part des fonctions support qui, selon la CFDT Finance, représente aujourd'hui 12% de l'emploi au lieu de 3% avant la réforme territoriale. Cela au détriment des agents de terrain. En conséquence, la charge de travail augmente mécaniquement. C'est ce qui explique que Didier Romain de la direction départementale du Loir-et-Cher. Les agents ne peuvent plus vraiment se spécialiser, ce que confirme Damien Massé, inspecteur à Blois, chargé de contrôler les agences immobilières, les produits cosmétiques et les fertilisants. Et à peu près la même personne va superviser le contrôle des agences immobilières, des produits cosmétiques et les fertilisants. On ne voit pas très bien ce que ça a rapport l'un avec l'autre, mais enfin, c'est comme ça. Des sujets à la fois techniques et très éloignés les uns des autres, comme chacun peut se rendre compte. On ne peut pas interroger un chef d'entreprise sur ses produits sans un minimum de connaissances. Bah oui, c'est ce qu'il explique. Bien sûr. Or, nous devons être opérationnels très rapidement. Le manque d'effectifs entraîne une dégradation du service. Quand les contrôles se raréfient, les professionnels le savent, en profitent. C'est ce qu'explique Damien. La peur du gendarme, ce que nous appelons la pression du contrôle, ne fonctionne plus. C'est vrai pour les petits commerçants, pour les grandes entreprises aussi. Cette pression de contrôle est un élément crucial de la prévention afin que des crises sanitaires du style Lactalis ne puissent pas se produire. Nous n'arrivons plus à détecter les fraudes en amont. Les collègues dans les départements sont isolés et cantonnés à des missions très locales, comme surveiller les prix affichés par les auto-écoles ou les diplômes des coiffeurs. Alors c'est vraiment, vraiment important par rapport à la qualité des produits. C'est sceptique, Marie Pic. Ils ne peuvent plus faire des contrôles de filière à l'occasion, par exemple, de la première mise sur le marché d'un produit. Voilà, donc, et puis il y a des grands enjeux derrière de santé publique, ne l'oublions pas, hein, parce que oui, les SCRF s'occupent aussi de produits sensibles que vous mettez sur la peau, par exemple, les filles. Voilà. Oui. Voilà, on termine là. Hein, on pourrait dire beaucoup de choses. Et donc, la presse syndicale est maillée d'articles de cet acabit-là où on voit véritablement que les services publics dépérissent et que, bien sûr, les consommateurs, les citoyens en sont les victimes. Voilà. Eh ben, on termine là. On vous souhaite une très, très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Oui, tout à fait. Félicie, soit à moi. Oui. Marcus aussi, qui est derrière la table. Et voilà, rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.